aimer. J'aime le café. Je n'aime pas le thé. Vous aimez les croissants. Vous n'aimez pas les tartines. Il aime le beurre. Il n'aime pas le fromage. Nous aimons le lait. Nous n'aimons pas le sucre.